Bonjour l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour la quatrième partie de la vidéo. On a déjà tourné trois parties et j'espère que vous avez appris. Vous avez pris connaissance de tous les enjeux possibles en fait. Donc aujourd'hui on se retrouve à la quatrième séance de l'œil du visionnaire. Comme on l'a si bien dit, on a appris de vos commentaires, on a appris de vos suggestions, donc... Cette fois, j'espère qu'on est plus amélioré, que plus on a de l'avancement, parce que je pense que cette vidéo est plus tenace et plus bien faite que les trois précédentes, je pense. Et dans tous les cas, tout ce que nous recherchons, c'est de s'améliorer, c'est de toujours vous proposer plus, toujours vous donner le maximum de ce qu'on a, toujours vous... donner des informations vraiment concrètes, vraiment on va vous donner quelque chose de positif. Aujourd'hui, on ne va pas prendre une heure pour faire une vidéo, on n'a pas le temps. On va prendre 30 minutes ou 15, 20 minutes. On va juste parler de 3, 4 sujets sur la toile. C'est qu'on va parler de Facebook. On va parler de... des nouvelles applications qui s'en viennent bientôt, et puis on va parler de Stadia parce que je pense qu'il y a des nouvelles informations sur ça, et puis on va parler de Fortnite. Il y a pas longtemps, il y a eu une Coupe du Monde aux États-Unis, au Texas, qui dans lequel les plus grands gamers du monde se sont affrontés partout, venant partout dans le monde, à peu près dans les grands pays, parce qu'on ne parlera pas de l'Afrique, parce qu'en Afrique, il n'y a pas de grands gamers, il n'y a pas de grands joueurs. Et on espère introduire ça dans les prochaines années, mais bon, le temps, c'est comme ça, on ne peut pas couper le fil de l'eau. Donc, voilà. Maintenant, sans plus tarder, on va s'attaquer au premier sujet, on va parler de Facebook. Comme on le sait, Facebook, c'est le réseau social incontournable qui allège les neurones de tout le monde, parce que c'est le réseau le plus populaire. Donc voilà, on a un PDG très jeune qui est dans la vingtaine, qui a une grande firme technologique à sa porte et puis qui rencontre trop de difficultés dans les pays parce que Facebook, grâce à sa popularité, les pays comme les États-Unis, les pays les plus développés, États-Unis, Canada, la France, ils ont tous peur de perdre leurs données en fait. Donc ils cernent le réseau, ils cernent le président, il est convoqué tout le temps pour à cause de ces données, parce qu'on peut se servir de Facebook pour vraiment atteindre la vie privée des gens, parce que c'est le réseau de base sur lequel se trouve tout le monde. Donc, Facebook a ses problèmes, mais on ne va pas parler de ça, ce n'est pas notre domaine. On va parler plutôt des nouvelles fonctionnalités de l'application concernant Messenger. Maintenant, de nos jours, il y a eu des améliorations qui se sont faites concernant les messages. Par le passé, seul sur WhatsApp, on pouvait faire des messages cryptés parce que c'était la seule plateforme sécurisée où on pouvait donner des messages cryptés. On était capable aussi de supprimer le message pendant un certain temps. On vient d'introduire cette technologie sur Messenger. Maintenant, tout message que tu envoies dans les 15 minutes, en fait, tu as 15 ou 30 bonnes minutes pour supprimer un message. Donc, ça va juste apparaître une faille qui dit que message supprimé, mais le contenu du message ne peut pas être vu. Donc, on est capable de supprimer en fait du serveur le message qu'on a envoyé à quelqu'un. Donc, si on peut pas modifier un message, mais on peut le supprimer. Donc, voilà, c'est l'amélioration en vogue qui s'est faite sur Messenger. Si nous revenons sur FB, Facebook, c'est que il y a une nouvelle fonctionnalité qui s'en vient, c'est la crypto-monnaie. Les gens ne connaissent même pas ce que c'est la crypto-monnaie. C'est une monnaie qui existe, mais pour le moment, c'est utilisé plus par les professionnels de l'informatique et les hackers. Parce que les hackers se servent de ça. La crypto-monnaie, pour faire des transactions. Quand on parlera là de Darknet, de tout ce qui est illégal, tout ce qui est drogue, tout ce qui n'existe pas dans notre monde réel, en fait, c'est, tout ça c'est effectué avec la crypto-monnaie. Il y a des cartes de crédit et autres. Donc, c'est sécurisé parce qu'avec ça, on ne peut pas tracer les informations bancaires d'une personne. Donc, cette crypto-monnaie, Facebook veut le mettre sur ton application. Donc, l'application Facebook ne va plus s'intéresser à s'occuper des publicités, des publications, mais va aller au-delà. Ils vont monétiser dans le monde. Donc, sur Facebook, il y aura la crypto-monnaie. Ça va permettre aux gens d'acheter des trucs sur Facebook, de faire des achats, de faire des annonces, sans utiliser directement leur carte de crédit. Donc, ils vont juste recharger leur compte crypto-monnaie et puis ils vont faire des achats sécurisés. Ça devient comme une banque. Donc, et pour le texte, Facebook a déjà visé quelques pays. Ça va commencer aux États-Unis, en Inde. Ils vont faire le texte, ils vont voir comment ça va marcher et puis ça va être lancé partout dans le monde. Donc, c'est vraiment une activité inédite auquel le monde de la technologie s'attend beaucoup. On l'attend. On sait que les professionnels, les programmeurs travaillent là-dessus. Le président l'a déjà annoncé, tout le monde le sait déjà. Les algorithmes sont déjà en préparation. Le travail est très bien effectué, donc on attend juste le lancement. Peut-être en hiver 2020 ou un peu plus tard, mais quelque chose est en train de se faire derrière les rideaux. Et on attend les informations qui vont s'en venir bientôt. Un deuxième sujet, je vous avais promis de vous parler des petites applications en vogue qui sortent en ce moment. C'est que on sait déjà que les téléphones Android, il n'y a pas de sécurité. Les hackers se servent plus de ça parce que l'iPhone, on le donne un grand chapeau parce que l'iPhone est invulnérable. Ils nous ont même proposé, il n'y a pas une semaine, que si une personne, n'importe quel hacker du monde, avait une possibilité de contrôler un iPhone à distance, aurait une récompense de 1 million de dollars américains. Et celui qui trouverait une faille sur la sécurité de l'iPhone aurait une somme astronomique de 500 millions de dollars américains. Donc voilà. Et par rapport à Android, Android est développé par Google. Et Google a beaucoup, beaucoup, beaucoup de modules à développer parce que Google travaille sur la recherche, Google travaille sur le système d'exploitation, Google travaille sur l'intelligence artificielle, Google travaille sur le cloud, Google travaille sur plein de trucs. C'est très diversifié. Ils ont un réseau de fibres optiques qui occupe tout le monde entier. Donc, on peut dire que c'est le plus vaste réseau de la technologie du monde parce qu'ils sont partout. Ils ont des centres de distribution partout dans le monde. Et voilà, c'est la plateforme de base. C'est le site internet le plus utilisé. Et puis, ça ne se limite pas là. Ils ont des potentialités. Si on parle de leur messagerie, l'email, les G Suite, ils ont plein de trucs à proposer. On parle de YouTube aujourd'hui. YouTube est devenu une plateforme incontournable car c'est sur cette YouTube est monétisé. Les gens font des vidéos pour avoir des vues et les vues sont payées. C'est payé par quoi? C'est payé grâce aux publicités qui s'en viennent parce que si tu n'es pas premium, tu peux pas empêcher les publicités de s'en venir pendant tes vidéos. Donc c'est monétisé, ça pousse les gens à faire des bonnes vidéos, ça pousse les gens à investir au niveau des caméras, au niveau de la qualité du son, au niveau de vidéos pour faire plus de vues, pour avoir plus d'argent. Donc voilà, YouTube a pris une ampleur vraiment ascendante parce que ça fait vraiment des trucs vraiment appréciables. Donc voilà, c'est devenu aujourd'hui la télé du monde parce que les gens ne suivent rien d'autre à part YouTube. Nous sommes dans un monde de streaming, nous sommes dans un monde des choses en ligne. Nous avons plus besoin d'analogie, nous avons plus besoin de télévision. Tout le monde est connecté sur son smart, sur son ordinateur pour suivre les vidéos et autres. Donc voilà, c'est un coup de chapeau pour Google. Et puis si nous prenons d'autres... de trucs, plein de trucs sur lesquels Google a travaillé, sur les sites internet, le marketing. Si nous prenons Google Maps, c'est développé par Google. Parce que le GPS, ils ont des satellites. Grâce au GPS, c'est que même l'iPhone n'a pas d'application directe qui répère le GPS. En fait, c'est Google est la seule application. C'est le site internet, c'est la seule multinationale qui dispose des satellites qui surveillent partout dans le monde, parce qu'ils ne proposent pas seulement le GPS, ils proposent aussi l'observation visuelle, parce que si tu utilises l'application Google Maps, tu peux même visualiser le terrain. Il y a des photos en 3D, des images très très fort en pixels, où tu peux voir où tu t'en vas, tu peux bien voir l'environnement et tout, si tu connais l'adresse. Et puis les algorithmes sont bien corrects à ce niveau, il y a moins de bugs dans cette partie-là. Donc voilà, c'est vraiment un coup de chapeau pour Google, on les apprécie. Et puis leur plus grande différence, ils avaient un système d'exploitation qui existe presque sur tous les smartphones Android. Mais le problème avant, c'est qu'ils n'avaient pas eux-mêmes élaboré un smartphone, comme parce qu'ils veulent concurrencer Apple à son iPhone. Et puis eux, ils n'avaient rien du tout. Ils ont essayé de mettre en place. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je pense que beaucoup de personnes l'ont utilisé, d'autres pas. Mais il y a le Pixel de Google. Il y avait la version bêta qui était sortie. Il y a eu Pixel 2. Maintenant, nous sommes sur le Pixel 3. Il y a Pixel 4 qui s'annonce en 2020, mais c'est le Pixel 3 qui est en ce moment. C'est le téléphone qui a l'appareil photo le plus sophistiqué, le plus parfait, parce que c'est Google a vraiment mis du paquet. Ils ont vraiment, il y a plusieurs ingénieurs qui ont travaillé sur tous les aspects les plus étroits de la technologie de l'image. C'est travaillé par les ingénieurs. Donc, et on sait que la qualité vidéo, c'est le problème de Samsung. Samsung n'a pas une bonne qualité vidéo, parce que ils se donnent pas à fond et les ingénieurs n'y travaillent pas. L'iPhone, c'est un peu bien au niveau de la caméra, ils ont une bonne résolution, on les apprécie. Mais le meilleur en 2019, c'est le Pixel 3 de Google. Parce que c'est Google qui a mis plus d'argent. Parce que plus on met plus d'argent sur le travail, sur la recherche, plus ça donne en fait de l'efficacité. Donc c'est vraiment un coup de chapeau pour eux. Et il y a des petites applications qui s'annoncent à la fin de l'année. Il y aura le lancement aussi Google. Je les apprécie pour aussi un seul truc qu'ils n'ont pas encore réalisé, mais le projet est déjà bouclé. On attend juste le lancement partout dans le monde. C'est que nous sommes dans un monde où les consoles ont de l'importance, bien sûr, mais c'est un processus qui n'arrange pas tout le monde. Les gens préfèrent aujourd'hui utiliser leur smartphone. C'est ce que les gens veulent, c'est du cloud gaming. Les gens n'ont plus besoin d'aller acheter des CD de jeux vidéo, des PlayStation 4, des Xbox 360, des Nintendo 3DS et tant d'autres jeux vidéo qui existent sur le marché. Les gens ont besoin de quelque chose de vraiment concret qu'ils peuvent utiliser. Genre, c'est comme, je le dis tantôt, quelque chose qui est né mais qui n'a pas aussi d'influence, c'est les jeux en ligne. On appelle ça le cloud gaming. Le cloud gaming, c'est que tu sois sur smartphone, que tu sois sur l'ordinateur, que tu sois sur n'importe quel support média, même si sur une télévision, tu es capable de jouer à tes jeux, au même jeu en fait, sur n'importe quelle plateforme, que ce soit sur PlayStation, que ce soit sur télé, que ce soit sur smartphone, tu es capable de jouer à tes jeux. Donc c'est vraiment quelque chose que Google veut mettre en place. La plateforme a déjà un nom, elle s'appelle Stadia. On va le lancer bientôt. Donc c'est en préparation, c'est déjà bouclé. Le travail est fait, c'est juste le lancement. Et puis ils ont déjà fait des accords avec Ubisoft pour le jeu célèbre de Prince of Persia, qui est développé dans cette même ville. Il y a aussi d'autres, plein de jeux en fait qui vont se retrouver sur cette plateforme. Et aussi, ils ont promis qu'il y aura des jeux gratuits, et puis aussi il y aura des jeux payants, et il y aura aussi une inscription, parce que ça évolue sur le même axe que Google, parce que Ça appartient à Google, c'est l'un des filiales. Nous avions assisté au mois de juin au Data Cloud proposé dans Google à Montréal. Ça fait pas plus de 3 mois. Ils ont parlé de ces trucs. On a parlé du Kubernetes, on a parlé du réseau, on a parlé de l'importance vraiment du Data Cloud pour les personnes. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de vraiment intéressant sur lequel on devrait s'intéresser pour tous les gamers, les joueurs de jeux vidéo, pour toutes les personnes aussi, les amateurs, même si tu n'es pas professionnel, au moins si tu es capable de, si tu es fan d'un jeu de FIFA, tu veux jouer sur ton téléphone, tu peux aller, tu commences un jeu sur ton téléphone, ben tu te retrouves dans une bibliothèque, tu veux continuer à jouer. Tu n'as pas besoin d'avoir ton téléphone avec toi en tout temps. Tu peux continuer ton jeu sur n'importe quel appareil. Tu peux continuer ton jeu, ton rythme ne va pas être cassé. Donc, c'est juste que il y aura juste un tout petit problème à ce niveau qu'ils ont signalé, c'est la qualité de la connexion. Nous savions que la 5G est déjà lancée dans les plus grandes villes du monde. C'est en test, c'est en évaluation, c'est pas sur toutes les... Parce que c'est le seul téléphone qui est capable parfaitement d'utiliser la 5G, c'est Samsung. La dernière version de Samsung qui a cette qualité, parce que les autres téléphones, même les iPhones, les dernières versions d'iPhone n'ont pas la 5G dans leur système de base. Dans l'électronique de ces téléphones, ils n'ont pas la 5G. C'est juste un seul téléphone qu'il a, mais... C'est une technologie qui est en développement en 2019, peut-être jusqu'en 2020. Il se peut que tous les réseaux cellulaires téléphoniques vont l'adopter. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on attend. Parce que ça, on promet même des vitesses de téléchargement 3 fois plus élevées que la 4G. Donc c'est vraiment un rêve, c'est vraiment quelque chose auquel tout le monde attend. C'est quelque chose vraiment auquel tout le monde... Tout le monde porte attention particulière parce qu'avec la 5G, on va parler maintenant de cloud gaming, de tout ce qui s'ensuit. C'est vraiment quelque chose qu'on attend. Et on espère que le public cible, tout le monde va en profiter. Que tu sois gamer, que tu sois autre. Si tu ne profites pas de Stadia, tu vas profiter de la 5G. Tu pourras regarder les vidéos plus rapidement, tes vitesses de téléchargement seront augmentées. Donc c'est vraiment Google a vraiment mis c'est pour ça que j'ai précisé cette société, ils ont vraiment mis quelque chose à la disposition comme ils l'ont toujours fait. Et c'est ce qui permet à cette multinationale aujourd'hui, parce que c'est plus une société et une multinationale, parce que c'est partout, ils ont des filiales, ils ont des filiales presque dans les grands pays du monde. Donc sans oublier qu'ils travaillent aussi sur les langues. On a leur application Google Traduction qui a plus de 30 langues traduites. Donc voilà, ça aussi, ça aide beaucoup. C'est important. La communication, c'est important. Tout le problème du monde, c'est le manque de communication qui amène les conflits. Si on a une très bonne communication, si on essaie de maintenir une vision vraiment positive des trucs, on a... Vraiment, cette passion-là, il n'y aura pas assez de problèmes. C'est la base de toute chose. Si on arrive à se comprendre, il y aura une entente mutuelle. Il y aura plus de fluidité, plus de paix partout. S'il y a une bonne communication, une bonne entente. Donc, on les apprécie aussi pour ça. Et parlant des petites applications en vogue, il n'y en a pas trop. C'était FaceApp qui avait fait... un vlog vraiment important qui était en vogue, qui était populaire pendant un temps, mais je pense que les tendances sont allégées, ils sont plus à la hauteur. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de FaceApp. Je pense que ils avaient atteint l'apogée, mais je pense qu'ils sont à leur déclin maintenant parce que il y a eu des critiques bien sûr, mais voilà, c'était déjà trop tard. Tous les stars qu'on connaît se sont déjà adonnés à cette application. Ils ont transmis les données, mais bon, on ne sait jamais parce que c'est une application qui a été faite par l'Union soviétique et on sait que les Russes, c'est des personnes qui niaisent pas. C'est des personnes vraiment qui donnent le tout pour le tout. C'est-à-dire, c'est que ils ont cette petite guerre avec les États-Unis. Cette guerre froide, c'est parce que dans le temps, c'est même c'est cette guerre qui est à la base de la naissance de l'Internet. C'est grâce à l'espionnage des États-Unis contre les Russes, après la Deuxième Guerre mondiale, que c'est quand on parle de connexion et autres, tout ça, c'est grâce à ça. Donc voilà, cette guerre froide ne va jamais être finie. Donc voilà, c'est ça. Les petites autres applications, on ne parlera peut-être que des petits jeux qui sortent et puis des applications qui sortent, des publicités sur peut-être sur les montages photos et vidéos, mais il n'y a pas eu une application qui est apparue tout récemment qui fait vraiment du buzz actuellement, il n'y en a pas. Donc voilà, ça se limite à ce niveau-là. C'est ce qu'il s'agit des petites applications. Donc je pense que j'ai fait un tour, je vous avais promis 30 minutes. Ça nous reste maintenant que 9 minutes du temps consacré à cette vidéo. Je sais que j'ai parlé un peu, j'ai divagué un peu, mais je pense avoir touché tous les points de l'introduction. J'ai touché, je suis même allé au-delà parce que j'ai développé, c'est aussi l'objet de cette vidéo, j'ai développé d'autres thèmes qui n'étaient même pas introduits. C'est une manière d'augmenter votre connaissance, c'est une manière de vous permettre de connaître plus, d'avoir plus d'informations sur des choses que vous ignorez en fait. Donc voilà. Je vous remercie de l'attention que vous avez portée à ma prestation. Je vous remercie pour toute l'attention que vous avez portée aux informations reçues. Je vous remercie pour vous avez pris le temps de m'écouter. Vous avez pris le temps d'abandonner tout et d'être à mon écoute. Et puis, je dirais aussi aux gens qui vont regarder cette vidéo plus tard, que ce soit sur YouTube, Instagram, sur les réseaux sociaux qui vont le regarder, c'est que vos critiques et suggestions sont la bienvenue. J'accepte tout en fait. C'est que c'est une manière pour moi aussi de m'améliorer. Moi, j'essaie d'aller loin. C'est ma quatrième séance. Je pense que je suis plus à l'aise avec ça. Je faisais des erreurs au premier. Vous m'avez corrigé. Je ne fais plus ces erreurs. Je suis plus à l'aise avec ça maintenant. Donc, c'est devenu une facilité. La communication, c'est important pour moi. Donc, je le fais depuis longtemps, depuis fort longtemps. C'est quelque chose de vraiment facile pour moi. Mais bon, voilà. C'est ça. Mais chacun cherche une amélioration. Je cherche à grandir. Je pense que je suis élémentaire. Mais je vise loin. Je garde un état d'esprit positif. Je sais que je vais aller loin dans ça. Plus je fais des vidéos, plus je gagne plus de confiance. Et j'ai jamais estompé cette volonté de vous servir, de vous mettre tout ce qu'il faut. Parce que je vous ai promis un 30 et je ferai un 30. Je suis en train de perdre le temps parce que c'est du direct, c'est pas une vidéo qui est montée, c'est pas du photomontage. Donc c'est juste de perdre le temps un peu, voilà, sur les 7 prochaines minutes qui nous restent. Donc voilà, je pense que je vais essayer aussi de parler d'un sujet, juste peut-être 5 minutes. Si on a le temps, on a le temps, bien sûr qu'on l'a. Donc on va parler d'un sujet qui vous intéresse, et on va parler des hackers. De beaucoup vous méfier, c'est le problème de ce moment, c'est le problème mondial. C'est pas seulement les personnes lambda qui sont victimes, mais même les grandes sociétés aussi sont victimes de l'arnaque, de tout ce qui s'ensuit. C'est de vous méfier de tout ce que vous faites, parce que pour vous atteindre, ils ont tous les moyens, les hackers, ils en ont tout. J'ai été hacker, j'ai été pirate, je sais de quoi je parle. Et puis je sais de quoi sont capables ces gens-là, parce que j'ai travaillé pour eux pendant un temps. Donc voilà, de beaucoup vous méfier des sites que vous ne connaissez pas, les achats que vous faites en ligne, vérifiez toujours si le site d'abord est en version sécuritaire, parce que d'autres font des achats en ligne, ils ne regardent même pas si la version est sécuritaire. Même si c'est sécuritaire, ça se limite pas là aussi. Il faut vérifier aussi, il faut porter attention aux informations parce que pour faire des achats en ligne, ils vont demander des données, des adresses, ils vont demander les numéros de téléphone. Et c'est par ça qu'ils peuvent vous atteindre. C'est par vos numéros de téléphone, par vos adresses email qu'ils peuvent vous atteindre. Donc, et aussi les mots de passe que vous allez mettre, n'utilisez pas les mêmes mots de passe que sur vos réseaux sociaux parce que si vous utilisez les mêmes mots de passe, ils peuvent vous atteindre aussi facilement parce qu'il suffit juste d'avoir votre email. Et puis, ils utilisent le même mot de passe sur vos réseaux sociaux. On peut facilement vous contourner, vous retrouver au terre des crimes qu'eux-mêmes, ils ont commis. Donc, méfiez-vous de tout ça. Méfiez-vous. Soyez sécuritaire et une conduite sécuritaire quand vous êtes sur le net. Ne vous basez pas sur l'aspect... l'aspect de la beauté ou l'aspect... je sais pas comment dire, je vais quelle expression je peux guérir pour mettre à cette place, mais soyez prudent. Il y a vraiment des sites prohibés en ce moment. Les grandes sociétés ont été victimes, ils ont volé des données. Donc voilà, c'est vraiment le problème de ce moment. Les gens travaillent là-dessus parce que quand on parle de hackers, il n'y a pas que des hackers négatifs, il y a des hackers positifs aussi qui grâce à eux tout ce qu'on parle, parce que même Mark Zuckerberg, le CEO de Facebook, c'était un hacker, il a été hacker. On parle de Steve Jobs, le fondateur d'Apple, c'était un hacker. Et Bill Gates, le PDG de Microsoft, l'ex-PDG de Microsoft, le fondateur, je peux le donner ce titre-là, c'était un hacker. Donc, tous les grands informaticiens ont été hackers, mais c'était des hackers positifs, pas négatifs. C'est des hackers positifs qui ont beaucoup apporté. Ils ont vraiment donné, en fait, tout ce qu'ils ont pour améliorer l'Internet. L'Internet a amélioré grâce aux hackers. Donc, voilà. Mais... je sais que vous n'avez pas compris tous les potentiels, mais je vous avais quand même porté attention sur comment sécuriser vos adresses email, comment ne pas faire des achats sur des sites prohibés, éviter des annonces qui se font sur Instagram, parce que actuellement sur Instagram, il y a beaucoup d'annonces de n'importe quel site pour faire des achats. Méfiez-vous-en. N'achetez pas. Mieux vaut préférer. Ils vont mettre des choses au bas prix pour juste voler vos informations. Vous n'allez jamais recevoir ces trucs. Ne faites pas des achats sur des sites non connus. Et toujours, n'ayez pas ce complexe de payer quelque chose cher sur un site reconnu avec plus de sécurité que de payer un truc sur un site qui n'a aucune importance. Je pense que ça ne sert à rien. Le mieux pour toi, c'est de te sécuriser parce que les données sont importantes, vous ne le savez pas. Mais parce que vous n'avez aucune connaissance de l'informatique et vous dites que les données ne sont pas importantes. Les données sont importantes parce que ça te poursuit jusqu'à la fin de ta vie. Parce que si j'ai même une photo de toi, je peux m'en servir pour te faire du mal. Si j'ai tes informations, tu peux être victime d'un crime que tu n'as pas commis. Et puis les prêts vont se présenter parce que j'ai toutes les informations à te concernant. Donc voilà. Soyez sécuritaire, c'est le conseil de la fin que je peux vous donner juste pour cramer les deux dernières minutes que nous restent. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à donner tout ce que vous n'avez pas compris. Je promets de revenir là-dessus, de vous satisfaire. J'espère que voilà, n'ayez aucun complexe à poser vos différentes questions, à donner tout ce que vous avez remarqué de positif et de négatif, vos critiques et suggestions, car les critiques, ça aide. Les critiques, ça permet de grandir. Plus on te critique, plus tu grandis, en fait. C'est les critiques qui construisent les gens. C'est les jugements négatifs des autres qui construisent les gens. Donc, moi, que ce soit positif ou négatif, c'est la bienvenue chez moi. J'ai aucun problème avec ça. Si vous n'avez pas aimé quelque chose, dites-le. Si vous avez aimé quelque chose, dites-le. Si vous avez des choses à suggérer pour la prochaine séance, vous pouvez les dire en commentaire. Je porte une attention particulière à tout ça. je vous remercie encore une fois d'avoir assisté ce court métrage avec moi. Et j'espère que je vais vous retrouver plus nombreux et plus actifs pour la prochaine séance, car je promets cette fois de vous donner des informations vraiment inédites auxquelles vous vous attendez. Vraiment, je promets aussi, le problème en ce moment, c'est la qualité vidéo. Je fais les filmages avec mon iPhone. Donc voilà, c'est quand je suis sur mobile, d'autres n'ont pas la bonne résolution sur les ordinateurs ou autres. Je promets de corriger ça, de travailler plus sur les vidéos pour les prochaines séances. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. J'espère que vous allez être nombreux à la prochaine séance. Je vous remercie. Ciao, bye bye.